Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 68. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 4 mars 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Outre Quiévrin, tu es Place de Brooker, tu es Spéculoos, tu es Mannequin Peace, tu es Léopold ou Baudouin ou Albert, et tu es aussi... Lundi soir, au cocktail de l'exposition Magritte, on nous a servi des petits acras de morue. C'était succulent, vraiment. Et puis ça nous change de nos éternelles croquettes crevettes. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es belge et tu vis à Bruxelles. Alors, il y a tout juste 50 ans, le 28 février 1957, naissait en Belgique le héros de toutes les feignasses au bureau, à savoir le célèbre Gaston Lagaffe. Ainsi, à l'heure où les Belges commémorent le cinquantenaire de leur fameux paresseux, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, d'explorer les avenues et les ruelles de cette capitale européenne qu'est Bruxelles. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de la ville de Bruxelles. Et pour commencer, de la muette de Portici à l'intronisation du roi Albert II, il faut retracer l'histoire de la monarchie belge. Ensuite, nous essaierons durant quelques minutes de te décrire ce qu'est la vie quotidienne des Bruxellois. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise du facétieux Benoît Poelvoorde, l'authentique roi des Belges bien sûr, qui viendra te préciser ce qu'est exactement le cinéma en Belgique. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons par quel procédé tenu secret Jean-Philippe Smet a tenté cette semaine malgré tout d'obtenir une fois pour toutes sa nationalité belge. Et enfin, te raconter ce qu'ont vécu Monique et Jean-Claude à la découverte de Bruxelles le week-end dernier en compagnie d'authentiques Belges. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et trêve de carabistouille. Funky Town, c'est sur ce tube disco que le groupe Lips Inc. a fait danser la planète en 1980. Funky Town, la ville funky, c'est surtout ce que tu dis de Bruxelles après avoir consulté la carte d'un estaminet qui te propose des centaines de bières belges. Oui, vraiment, c'est une Funky Town. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de grimper dans un train Thalys et de se rendre en moins d'1h30, dis donc, dans la capitale de nos cousins belges, à Bruxelles, bien sûr. Et pour commencer notre balade dominicale, la panique s'est intéressée à l'histoire des souverains belges parce que... La Belgique est une monarchie parlementaire. Alors qu'est-ce qu'une monarchie parlementaire? Eh bien, je pense que c'est une monarchie qui parlemente, oui. Mais tout cela ne sont que concepts abrupts de sciences politiques, difficiles à comprendre pour des esprits étroits. Alors, il y a un truc que je ne supporte pas, messieurs les subversifs de bazar, messieurs les anarchistes de bon ton, c'est qu'on se moque de mes amis royaux. Hein? Tenez-vous-le pour dit, c'est « touche pas à ma couronne » avec Manhattan. Mais bien sûr, il n'est pas question ici de se moquer des rois de nos amis belges. Des rois qui sont curieusement issus d'une révolution, celle de 1830, quand les Bruxellois se sont soulevés contre l'occupant hollandais, et cela sur un air d'opéra. En août 1830, a lieu au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles une représentation de la Muette de Portici. Cet opéra, composé par Robert, raconte la lutte des Napolitains contre l'envahisseur espagnol au XVIIIe siècle et exalte évidemment le sentiment national. La Belgique est alors une province du royaume des Pays-Bas. Et les paroles patriotiques de la Muette de Portici enflamment le peuple belge en quête d'un État. C'est ainsi qu'après la représentation à Bruxelles, des émeutes éclatent et se transforment rapidement en révolution. Face à la détermination des Belges, l'indépendance est proclamée en 1830 et un an plus tard, Léopold de Saxe-Cobourg et Gotha est élu roi des Belges sous le nom de Léopold Ier. Il modernise la Belgique et consolide sa position en Europe. Puis en donnant un héritier mâle à la Belgique, Léopold Ier assure même la continuité dynastique. C'est donc un roi très aimé du peuple belge. Léopold, si tu savais comme je t'aime, Léopold, avec toi, la vie ne sera plus la même. N'oublie pas mon amour, je t'aimerai pour toujours, Léopold. Léopold Ier meurt en 1865 et c'est son fils Léopold II qui lui succède. Léopold II, c'est le roi bâtisseur. Il a laissé son empreinte dans l'urbanisme de Bruxelles avec par exemple le parc du Cinquantenaire. Léopold II s'est en outre offert une colonie privée, le Congo belge. En effet, le Parlement ne désirant pas se lancer dans une expédition africaine coûteuse, Léopold finança cette colonisation avec ses propres deniers et en devint le propriétaire à titre personnel avant de l'offrir à la Belgique en 1908. Le successeur de Léopold II fut son neveu, Albert Ier, le roi chevalier qui s'illustra en combattant lors de la Première Guerre mondiale, mais qui termina sa carrière lors d'une escalade en 1934 en se gaufrant, spécialité belge, d'un rocher. Son fils, Léopold III, lui succéda et avec lui débute ce que l'on appelle la question royale à cause de l'attitude peu combative du roi face à l'occupant nazi. À tel point d'ailleurs que le roi est obligé de rester en exil en Suisse après la guerre. Alors que le roi, bien sûr, lui, il voulait revenir à Bruxelles. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends... plein d'urine. C'est donc par un référendum organisé en 1950 que Léopold III est autorisé à revenir en Belgique. Mais les réactions, surtout des Wallons, sont très violentes, avec manifestations et attentats. Léopold III décide alors d'abdiquer en faveur de son fils, Baudouin Ier, qui, à 21 ans, prête serment comme prince royal le 11 août 1950. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Ik zweer de grondwet en de wetten van het Belgische volk na te leven, 's lands onafhankelijkheid te handhaven en het grondgebied ongeschonden te bewaren. Le tout jeune Baudouin devient roi des Belges en 1951 et doit affronter rapidement des problèmes politiques majeurs comme la question scolaire qui divise Flamands et Wallons. Baudouin Ier doit également répondre à la volonté de décolonisation des Congolais, une volonté d'indépendance qui s'exprimait alors en tcha-tcha. Indépendance, tcha-tcha, dans ce riez, en qui poinça, tcha-tcha. Et en effet, en 1960, c'en est fini de la décolonisation. Le Congo n'est plus belge et devient le Zaïre. Pour Baudouin, du coup, la chanson, c'était plutôt... Afrique, adieu, tes masques de bois n'ont plus dans leurs yeux l'éclair d'autrefois. Les esprits du feu danseront pour toi. En 1960, la Belgique perd donc le Congo, mais se console avec son sympathique couple royal, constitué de Baudouin le Discret et de Fabiola l'Impénétrable. Cela étant dit, le roi Baudouin, c'est un des facteurs majeurs de l'unité de la Belgique quand les communautés wallonnes et flamandes se déchirent. D'où la grande émotion en 1993 quand disparaît le roi. Et c'est son frère Albert qui lui succède. Mais attention, il ne faut pas confondre Albert II avec Albert Ier. Albert Ier, le roi chevalier, est arrivé sur le trône en 1909. Et bien sûr, c'était une autre époque. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait des vitrines, avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, des femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il a fait su faire, elle avait laissé faire, il l'avait donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruxellait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine, chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'ai le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps Bruxelles chantait. Tout au temps Bruxelles Bruxelles. Bruxelles, célébrée par Jacques Brel en 1962, année même où fut organisée à Bruxelles la marche des Flamingants, où 100 000 d'entre eux étaient venus manifester pour réclamer que la capitale des Belges devienne flamande et non plus wallonne. Perdu. Alors maintenant, justement, après avoir survolé l'histoire de la monarchie belge, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes à ce que peut être la vie quotidienne des Bruxellois. Oui, mon ami, que fait-on quand on vit dans la capitale des Belges ? Avant tout, il faut savoir, mon ami, que l'agglomération de Bruxelles s'étend sur 19 communes et regroupe aujourd'hui plus d'un million d'habitants, dont 90% sont francophones, alors même que Bruxelles est enclavée dans une région flamande. Certes, il ne s'agit pas d'une énorme métropole, mais Bruxelles possède une riche palette d'univers à offrir à celles et ceux qui savent l'apprécier. C'est ainsi que, pêle-mêle, tu peux craquer ton oseille dans les commerces luxueux de la galerie Saint-Hubert, ou alors tu peux déguster une gueuse dans une taverne de la place de Brouckère. Mais tu peux également chiner chez les antiquaires, dans le quartier du Sablon, où tu pourras peut-être dénicher quelques albums collector de bandes dessinées. Car, comme chacun sait, le Bruxellois est un grand amateur des Schtroumpfs, de Spirou, du Marsupilami et de Tintin, bien sûr. Il suffit d'ailleurs de poser la question pour s'en apercevoir. Non, je vous demande si vous aimez Tintin, monsieur. Ah oui, j'aime Tintin, oui, j'adore même. Parce que nous envisageons d'adapter toute la collection de Tintin en la transposant, tout simplement, dans le milieu gay. Quoi ? Alors, vous en pensez quoi, comme ça, à chaud ? Ben, je vais vous dire ce que j'en pense. Pour moi, c'est un sacrilège. Bon, je peux quand même vous donner quelques titres avant de vous laisser ? Si vous voulez, ouais, mais... Bon, nous sortirons pêle-mêle, monsieur, et au rythme d'un album par mois, Tata au pays du Zob noir. Et ensuite, on enchaînera avec le trésor de Braquemar le Rouge. Oui, mais pauvre Hergé, heureusement qu'il n'est pas là pour voir ça. Il y aura également l'affaire Tournedos, le cigare du gros Léon. Moi je l'achèterais celui-là, personnellement. Hein. Vous savez comment ça s'appelle, ça ? Un sacrilège. Évidemment, le Bruxellois ne déconne jamais avec Tintin, sans doute le plus célèbre d'entre eux, d'ailleurs. C'est ainsi qu'en juillet 1983, quelques semaines seulement après la mort d'Hergé, les Bruxellois ont décidé de prendre soin de Milou en particulier et de tous les toutous en général. En Belgique, les chiens aboient et les tramways passent. Véridique, nos amis belges viennent d'autoriser le transport des chiens dans les tramways à Bruxelles. Ils devront payer leur place comme tout le monde. Ils auront même droit à l'équivalent de notre carte orange avec une photo, s'il vous plaît. Quentin Dickinson, notre correspondant en Belgique, a obtenu toutes les explications auprès d'Antoine Lambert, le directeur de l'exploitation des tramways bruxellois. Les conditions sont les mêmes que pour un abonnement général. Il suffit de se présenter au bureau des abonnements, d'amener une photo du chien et on confectionne l'abonnement très rapidement. Une photo en pied, une photo de face ? Surtout la tête. Il faut signer l'abonnement. Alors, est-ce que c'est le chien qui met sa patte ? Non, nous ne sommes pas encore arrivés aux empreintes digitales. C'est le propriétaire du chien qui signe pour son chien. Il faudra montrer patte blanche dans les tramways bruxellois. Depuis, donc, tu peux croiser des clébards dans le tramway de Bruxelles. C'est sympa, non ? Par ailleurs, la profession de Tintin, jeune reporter, comme chacun sait, a développé chez les Bruxellois une propension à dévorer la presse. Le quotidien Le Soir, par exemple, peut se targuer aujourd'hui d'être feuilleté chaque jour par 500 000 lecteurs. Et de la même manière, il y a de véritables journalistes d'investigation qui sévissent à la radio belge. Eh bien, bonsoir Michel, bienvenue sur les antennes de Radio Chevauchoir, sur la 105.5. Et maintenant, pour commencer notre soirée, la rubrique « Les mensonges du cinéma ». Alors Michel, beaucoup d'erreurs dans les films cette semaine? Ben, j'en ai trouvé une. Dans le film Les Voleurs, Alex, le personnage principal, achète des sandwichs et quand il se dirige vers la caissière, il demande le prix. Elle lui répond 42 francs et il tend un billet de 50 francs français. Elle lui rend qu'une pièce, c'est ça le problème. Et parce qu'on sait bien que les pièces de 8 francs français, ça n'existe pas. C'est ça l'erreur. Eh bien, merci Michel. Eh oui, merci Michel pour cette enquête journalistique belge sans concession. Et puis, vivre à Bruxelles, c'est également évidemment savoir savourer les spécialités culinaires. Tiens, par exemple, posons la question à une cuisinière de Bruxelles. Qu'est-ce qu'il adore, le bruxellois? Il adore vous voir faire. Roselyne? J'ose le dire. Allez-y, dites. Des gros calames, une pipe au miel. C'est-à-dire... Eh ben, alors, on apprend les spécialités. Vous êtes de quel quartier de Bruxelles, vous? Moi, de Auve, un petit village. À ça. Ah, Auve. Oui, bah oui. Ouais. Il y a plein d'abeilles là-bas. Eh ben, qu'aurait dit René Magritte de cette pipe? Surréaliste, sans doute. Mais bon, plus sérieusement, Bruxelles recèle d'authentiques spécialités culinaires. C'est la ville des choux, bien sûr, mais aussi du chocolat, de la bière, du waterzooi, et c'est surtout là où... Là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des pom-pom, on s'enfile des litres, le grand bleu ça fait mieux passer les pom-pom. Avec Titine et Totor, gueulant or, ma tante et tonton, nous allons pom-pom. Là où, là où, là où, là où, là où, il y a des frites. Des frites avec des moules, bien sûr, le tout dans une sympathique ambiance de kermesse. Car c'est ça aussi la vie à Bruxelles. Et oui, c'est une ville où les rapports humains demeurent chaleureux, bien loin de l'atmosphère glaciale des grandes mégalopoles. Et du coup, les Bruxellois s'entraident avec une efficacité redoutable. Ils savent prévenir les autres, par exemple, lorsqu'un danger quelconque les menace. Une histoire belge, une vraie, puisqu'elle a été entendue sur les ondes de la RTB, un journaliste a donné le conseil suivant aux automobilistes: soyez prudents sur la route entre Bruges et Gand, car il y a du brouillard dans les deux sens. France Inter, 19h19, merci d'avoir écouté ce journal. C'était le journal de Patrice Bertin. Alors maintenant, pour être un peu plus complet, et pour y voir un peu plus clair justement dans ce brouillard de la vie quotidienne des Bruxellois, comment ne pas évoquer ici le cinéma belge? Eh bien, le mieux, je crois, c'est de laisser la parole au facétieux et génial Benoît Poulvorde, qui va nous résumer ce qu'est le 7e art en Belgique. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Savez-vous ce qui fait la qualité du cinéma belge, ce qui fait qu'il est reconnu dans le monde entier? Eh bien, c'est le confort de ses fauteuils. Hein, ils sont bien mous dans ton cul et bien raides dans ta nuque. C'est important pour regarder un film. Saviez-vous que la Belgique est à la pointe de la technique du câlinage humain? Oui, parce que je dis merci. Le colonnage, hein, c'est très bien, mais je dis aussi prudence, je dis attention. Parce qu'après, comment on fait pour les reconnaître, hein? Allez, tenez, voici deux clones palmipèdes célèbres. Luc et Jean-Pierre Dardenne. Les Luc et Jean-Pierre Dardenne de Cannes, hein? Eh bien, quand on leur tend la main pour les féliciter, comment savoir si c'est du lard ou du cochon, hein? Comment savoir si c'est du jambon ou de la rosette? Lequel est Jean-Luc et lequel est Pierre, hein? Je l'ignore, je l'ignore. Il paraît qu'il y a bien un petit truc. Hein? On dit que Jean-Pierre a 42 dents en dessous. Oui, évidemment, il faut arriver à le faire rigoler. Et ça, croyez-moi, c'est pas gagné d'avance. Enfin bon, en attendant, on va déjà s'en payer une bonne tranche en regardant leur film. Petits moyens et grands effets. Ça, c'est toute la Belgique. Hein. Allez, abordons à présent le très joli film des Frédéric Fentheins, Les liaisons pornographiques. Car oui, pornographiques. Hein. Alors, le porno. Encore un sujet où le Belge excelle par son esprit d'à propos. Hein, le porno à 15 balles. Mais c'est un autre sujet. Regardons ce merveilleux film. Monsieur Carlo, je vous en prie. Allons. Arrêtez si magré. T'es comme une petite. Des comme une petite plante. Doucement, doucement, tu me fais mal. Oh, comme t'es. Oh, j'ai l'impression qu'on nous regarde. Ah, bah oui, forcément. Porno à 15 balles, je fais avec ce que j'ai. Hein. J'espérais pas avoir Sharon Stone, hein. Tell me about it, c'est ce que réclame cet hiver la jeune chanteuse britannique Joss Stone. Tell me about it, traduction en français, parle-moi de ça, traduction en belge, je dirais même plus, de ça, parle-moi. Alors maintenant, pour prolonger nos aventures bruxelloises, il est temps désormais à 11h34 de te révéler entre fiction et réalité comment Jean-Philippe Smet a tenté cette semaine de récupérer par tous les moyens la nationalité belge. Depuis novembre 2005, Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, tente d'obtenir la nationalité belge pour, selon lui, retrouver ses racines pépères. Seulement voilà, mardi dernier, la commission bruxelloise qui est chargée d'examiner sa demande de naturalisation, mais qui le suspecte surtout de vouloir frauder le fisc français, a décidé de reporter sa décision sine die. Fou furieux devant ce nouveau refus, Johnny a alors demandé à son ami Nicolas Sarkozy d'intercéder en sa faveur auprès du roi des Belges, Albert II, pour que celui-ci accepte de recevoir Johnny en audience privée afin qu'il puisse défendre correctement son dossier. C'est ainsi que sur les conseils avisés de son ministre premier, le roi Albert a donc reçu Johnny Hallyday en toute discrétion dans ses appartements jeudi matin. Sauf que, voilà, face à la star du rock français, Albert II semblait réellement déçu. « Tu m'avais dit qu'il ressemblerait à Elvis, il ressemble pas du tout à Elvis. Mais putain, on s'en fout du physique, c'est la voix qui compte. Il a exactement la même fréquence vocale que le King. La même quoi? Fréquence vocale, c'est un truc américain. Quand il chante et que tu fermes les yeux, t'as l'impression que c'est Elvis qui chante. C'est ça qui est important. T'es sûr? Mais bien sûr. Eh oui, si Albert II, le roi des Belges, a accepté de recevoir Johnny, c'est parce qu'il croit qu'il pourrait devenir le Elvis de Bruxelles, une authentique vitrine internationale pour son petit royaume. Pendant que le roi s'entretient donc discrètement avec son conseiller, Johnny lui sent bien le scepticisme du roi à son égard. C'est alors que Johnny décide de s'approcher et d'expliquer à Albert que de son point de vue, entre sa majesté et lui, c'est... comment dire ? Comme Pollux et son copain Castor, comme Isetée et Tristan, comme Sodome et Gomorre, nous sommes réunis par un amour unique. Mon cher Albert, eh oui, pour Johnny, l'amour unique, c'est la Belgique, bien sûr. Le roi des Belges, lui, est un peu décontenancé par cette soudaine familiarité. Certes, Albert II comprend très bien que M. Smet veuille devenir belge, mais qu'est-il prêt à lui offrir en échange de ce service royal? Ce à quoi, le tout pour le tout, Johnny lui chuchote alors que... Je te promets la clé des secrets de mon âme, je te promets la vie de mes rires à mes larmes, je te promets le feu à la place des armes, plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres, j'ai tant besoin d'y croire encore. Le roi des Belges se dit tout de même qu'on est prêt à tout, hein, monsieur Smet, pour échapper aux impôts français. Mais ne sachant pas trop quelle décision prendre à l'égard de Johnny, Albert II décide alors de consulter ses trois conseillers les plus proches. C'est quand même un héros, hein, même si on n'aime pas sa musique, comme moi. Tant mieux qu'il devienne belge, parce que c'est quand même un monstre du rock'n'roll français. Je vois pas pourquoi, pourquoi il s'intéresse à ce problème, en fait. Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? C'est un peu branler les mouches, en fait. Moi, je trouve ça très bien, et je pense qu'il commence à vieillir et qu'il veut retourner à ses racines, voilà, tout simplement. Mais rien n'y fait. Le roi des Belges n'est pas vraiment convaincu de vouloir aider Johnny. Il s'attendait à voir arriver Elvis Presley et il se retrouve devant un retraité suisse. Bonjour l'embrouille. Albert annonce donc à Johnny qu'il n'interviendra pas en faveur de sa naturalisation belge. Excédé, Johnny se retire du palais royal et appelle immédiatement son ami Nicolas Sarkozy pour lui faire part de son nouvel échec à Bruxelles. C'est alors qu'au téléphone, Nicolas lui souffle une petite idée. L'autre jour à Bruxelles, je pars acheter de la dentelle. Quand sur une fontaine, je vois qu'elle s'en gêne. Un gosse plein de vis qui montre à tout son appendice. C'était le mannequin pis. Je lui dis, mon petit, c'est de la folie de montrer ton ombre. Et si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Comment ça, se dit Johnny, que vient donc faire le mannequin Peace dans son affaire d'impôts? Faudrait-il qu'il pisse un peu partout dans Bruxelles comme mannequin pour enfin devenir belge? Mais non, bien sûr. Johnny vient alors de comprendre le sens de cette petite parabole. Il va devoir kidnapper le célèbre petit personnage bruxellois en bronze et il n'acceptera de le rendre à la Belgique uniquement, bien entendu, si le roi décide de le faire belge. Bien sûr, comme d'habitude, vers 15h, il y a foule devant le mannequin Peace. Johnny Hallyday observe alors tout autour de lui et se dit que, franchement, son enlèvement ne va pas être une mince affaire. Mais tant pis. Johnny se précipite alors vers la célèbre fontaine et arrache violemment le petit personnage en bronze. Les Bruxellois sont effarés et se mettent à hurler. Deux d'entre eux se lancent alors dans une périlleuse course-poursuite pour empêcher Johnny de s'enfuir avec le mannequin Peace, mais trop tard. Où est passé cet Olibrius? Il s'est enfui. Et les gendarmes, qu'est-ce que ça a donné? Ah, je n'ai pas pu appeler, le téléphone est coupé. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh, monsieur de grâce, ayez pitié. Mille sabords, mais qu'est-ce que vous faites là? Nos deux Bruxellois à la recherche du voleur tombent alors sur un pauvre touriste français effrayé par ce chahut. Mais qui leur confirme, il l'a bien reconnu, que c'est bien Johnny Hallyday qui a dérobé le Mannequin Piece. Les Bruxellois se précipitent alors en direction de l'ambassade française, quand tout à coup, l'un d'eux aperçoit quelque chose. Là-bas, des hommes sortent de l'ambassade. À l'abordage, une patte quartier. Capitaine. Fermez notre porte. Gare à vous, kidnappeur, scolopendre. Vite, capitaine, il l'emmène en bateau. C'est la grosse boulette. À coups de bombes lacrymogènes, nos deux héros belges attaquent des conseillers diplomatiques français qui s'enfuient immédiatement, bien sûr. Quand tout à coup, au même moment, nos deux Bruxellois aperçoivent Johnny s'engouffrer, lui, dans un parc boisé juste à côté. Là, immédiatement, l'un d'eux lui emboîte le pas et se met à crier. Gamin ! Allez, viens ! C'est pourri, gamin ! Gamin ! Allez, viens ! Allez ! On va pas rester seul dans ce bois, hein ! Après une bonne demi-heure passée dans ce parc boisé, nos deux amis bruxellois finissent par retrouver la statue du Mannequin Piece balancée en vrac comme ça dans un bosquet. Johnny a sans doute regretté son geste et surtout il a dû avoir sacrément la trouille. Mais qu'importe, le capitaine Haddock, lui, est très heureux d'avoir retrouvé le protecteur de Bruxelles. Mannequin Piece, petit gars de Bruxelles, Mannequin Piece, mignon porte-bonheur. Mannequin Piece, arrose les plus belles. Mannequin Piece, arrose tous les cœurs quand il fait psst, psst, et refait psst, psst. En douce, il pousse gaiement psst, psst, psst. Mannequin Piece, une immense innocence sort à plein jet de son petit sifflet. Depuis, nous n'avons plus aucune nouvelle de Johnny. Et il est à craindre que si le roi des Belges a refusé pour l'instant de révéler à la presse cette triste affaire de kidnapping, en revanche, il est certain désormais que notre Johnny n'est pas prêt de devenir belge. Mais il va bien falloir qu'il puisse dormir quelque part quand même, merde! J'avais dormi quelque part, une nuit où tu n'étais pas là. J'avais bien bu, je crois, et j'avais le ciel en moi, et le vent sur le chemin. Et le vent sur le chemin, ne me dis rien, ne me dis rien. Et comme je pense encore à toi, et pas d'espoir devant mes yeux, pourquoi m'as-tu laissé partir? Pourquoi m'as-tu laissé là? Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dis rien, ne me dis rien. Est-ce que je t'ai pardonné? Je t'ai aimé, bien plus qu'un seul homme. Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dis rien. Rendez-vous, c'est le nouveau titre interprété par Stéphane Escher et composé par le chanteur Raphaël. Parce que Stéphane, comme Jacques, paierait cher pour avoir rendez-vous avec Madeleine et pour manger des frites chez Eugène, car elle aime bien ça, Madeleine. Alors, pour poursuivre notre visite outre Quiévrain, il est grand temps maintenant, à 11h45, de retrouver nos deux héros si sympathiques, les fringants Jean-Claude et Monique, qui se trouvaient le week-end dernier à Bruxelles. Et oui, à l'heure où tout à chacun décide d'aller à la montagne pour dévaler les pentes plus ou moins enneigées, Jean-Claude, lui, a décidé de se rendre dans la plaine de Bruxelles pour retrouver Léon et Marie-Queux, son grand-oncle et sa grande-tante, qu'il n'a pas vus depuis sa petite enfance. Et oui, le Jean-Claude, il a des origines belges. C'est ainsi qu'après un rapide voyage en Thalys, Monique et Jean-Claude arrivent donc gare du Midi, où Léon et Marie-Queux les attendent. Jean-Claude, il est très ému de les revoir et tout de suite, il fait son bien élevé. Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Je vous ai apporté des bonbons. Léon et Marie-Queux sont ravis de la venue de leur petit-neveu. Et comme il est déjà 19h30, Marie-Queux propose alors à Monique et Jean-Claude d'aller tout de suite dans un petit estaminet traditionnel proche de la place Sainte-Catherine. Aimez-vous les moules marinières, la friture des petits restaurants? Aimez-vous les moules marinières, arrosées d'un litre de vin blanc? Mais non, pas de vin blanc, ce sera de la bière pour tout le monde. À l'idée d'aller manger des moules et de se mettre quelques bières dans le cornet, Jean-Claude, il est tout excité, parce qu'il sait très bien qu'avec les moules... On va manger des frites. Oh oui, des frites. Des frites. Des frites. Monique et Jean-Claude se retrouvent donc installés dans un estaminet à Bruxelles avec Léon et Marie-Queux, l'oncle et la tante du Jean-Claude. Monique, elle, est admirative devant la cocotte de moule qu'on vient de lui servir. Physiologie microcosmique de la moule bruxelloise. Comment la dire? L'apprendre, ne pas la dire. L'apprendre avec les mains avant de l'apprendre avec les mots. La nourriture... Les mots viennent ensuite. Le poème, la cuisine du souvenir. De l'épice, de l'échalote, de l'oignon, de l'ail, etc., etc. Eh oui, Monique a bien intégré la recette des moules frites et une conversation profonde s'instaure avec Marie-Queux sur les différentes manières d'accommoder les moules ou de cuisiner le stomp. Jean-Claude, lui, grandement détendu par toutes ces bières qu'il siffle les unes après les autres, se lance alors lui aussi dans une grande spécialité belge, à savoir la blague. Alors c'est un mec, c'est qu'une tête. Alors il est né, c'est avec qu'une tête. Alors c'est son anniversaire, et sa famille qui est là, et sa sœur. Ils ont un cadeau. Et lui il dit... Alors lui il dit tiens, cadeau, et lui il dit ouais je sais, c'est un chapeau. Léon, l'oncle bruxellois de Jean-Claude, ça l'amuse beaucoup cette blague. Pour une fois qu'un Français parvient à le faire rire sans se moquer des Belges, c'est remarquable. Surtout que pour Léon, Jean-Claude a un atout majeur dans la narration. Vous ne trouvez pas qu'il a un accent très sympathique? Et moi, avec un accent pareil, je pourrais écouter les histoires pendant des heures. C'est vrai que ça est plus agréable à l'oreille que le nôtre, même si je ne l'écoute légèrement. Non, moi, je trouve que c'est une chance. Ça est un cadeau du ciel, non? Oui, c'est sûr. Et oui, l'accent, ça fait tout. Et M. Léon, il en veut d'autres des blagues. C'est pourquoi il encourage le Jean-Claude. Je dis hop, hop, hop, vis dans nos chocs. Trottoir. face à ses conseils pleins de bon sens et aux encouragements de Léon, Jean-Claude poursuit son exploration des multiples productions houblonnières de la Belgique. Et évidemment, le festival comique du Jean-Claude continue. Monique en est ravie. Voilà, alors, c'est un type qui va au restaurant. Hein, attends, c'est pas fini. Alors, il demande la carte et puis il appelle la serveuse et lui demande « Est-ce que vous avez des têtes de veau ?» Alors, la serveuse lui... Elle n'en avait pas. Elle n'en avait pas. Non, c'est pas ça. Elle dit, oui, j'ai une tête de veau. Ah. Alors, le client lui dit, bah dis donc, ça doit être facile pour mâcher. L'hilarité est générale dans ce petit estaminet bruxellois lorsque Jean-Claude raconte ses blagues. Marie-Queux, la tante de Jean-Claude, n'est pas étonnée que son neveu soit si rigolo car... Quand il était petit, c'était le petit garçon rieux, un petit comique, il était blond comme les bleus. Oh, mais il était super. Il était gentil. Il était affectueux, c'est gentil, il riait tout le temps, tout le temps. Mais quand tu dis, il était ami, mais papa, pleure, mais non, tu ne me comprends pas. Tandis comme il... Hein, quand mais il non, est... tu ne me comprends pas, papa. C'est sûr qu'avec toutes les bières qui ont été bues ce soir, la compréhension à table est un peu difficile. Jean-Claude, bouteille après bouteille, au final, il a visité toutes les abbayes, des plus connues aux plus insolites. Alors, l'alcool est dans. Il a l'impression de mieux le connaître, ce si beau pays. Avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu, avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner, avec le vent du nord qui vient s'écarteler, avec le vent du nord. Écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien. Se rendant compte que Jean-Claude commence à divaguer, Léon décide qu'il est temps de rentrer. La petite compagnie quitte donc ce paradis du houblon et déambule dans les ruelles du vieux Bruxelles. Quand soudain, Jean-Claude remarque un jeune garçon qui porte un pantalon de golf et arbore fièrement une houppette. À côté de lui marche un animal qui semble très intelligent. Jean-Claude s'approche et demande à Doc. Dites-moi quel est son nom. Marsupilami. Répétez-moi donc son nom. Marsupilami. En voilà un drôle de nom. Marsupilami, voilà son cri. Si vous ne connaissez pas Marsupilami, qui sait un jour deviendra peut-être un ami, il mettra vos cœurs en joie. Adieu les ennuis, voilà son cri. Oui, vraiment, elles lui font de l'effet au Jean-Claude, les bières belges. Mais il est vraiment temps d'aller se coucher avant que Jean-Claude ne joue au Mannequin Piece au milieu de la Grand Place. Voilà, fin de l'histoire bruxelloise à base de moules frites, de blagues pourries et de houblons fermentés. Demain matin, au réveil, bien sûr, il y aura d'autres spécialités à découvrir. Café ? Tabac ? Qui veut goûter mon mocha café ? Tabac ? Qui veut un cigare extra ? Café ? Tabac ? Après merveilleux repas, y a bon café, en fumant fameux tabac. Moi je fais du café qu'on a, c'est le meilleur café qu'on a. Moi je vends tout ce qui se fume, et même à l'occasion j'allume. Mais pour bien goûter mon café, il faut enfumer la senteur. Comme mon tabac pour l'apprécier, faut être de bon humeur. Café ? Tabac ? Qui veut goûter mon mocha café ? Tabac ? Qui veut un cigare extra ? Café ? Tabac ! Après merveilleux repas, y a bon café, en fumant fameux tabac. Si tu n'as pas bu café chaud, si tu n'as pas fumé tabac, tu n'es pas grand chef de dos. La doudou, dis-lis-toi, gaga. Mais si tu n'as bu café chaud, si tu n'as fumé bon tabac, quand doudou allait au doudou, dis-lis pas rapla-pla. Café, tabac, qui veut goûter mon mocha café? Tabac, qui veut un cigare extra? Café, tabac, après merveilleux repas, y a bon café, en fumant fameux tabac. Ali, oui. Est-ce que ton tu m'en feras refroidir une tasse. Quelle est belle. Tu peux rire. Tabac, café, c'est ce que te propose le duo franco-belge que composent Bourvil et Annie Cordy. Un duo, bien sûr, café et un tabac. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage chez nos cousins belges. De l'atomium au marsupilami, du roi Léopold découvrant le Congo à sa majesté Albert découvrant Johnny, et de la pipe au miel à la bière d'abbaye, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peut être la ville de Bruxelles. Alors, pour résumer, c'est quoi Bruxelles ? Bien sûr, c'est la capitale de la Belgique, une enclave francophone dans une province flamande. Mais Bruxelles, c'est aussi, bien entendu, une capitale européenne, où siège la commission qui propose et met en œuvre les principales politiques communautaires. Par ailleurs, pour finir, sais-tu, mon ami, ce qu'est la bruxellisation ? Eh bien, c'est un néologisme tout belge qui désigne aujourd'hui le saccage d'une ville historique par des spéculateurs et des promoteurs immobiliers sans scrupules. Résultat, Bruxelles en l'occurrence a vu disparaître depuis 1958 bon nombre de bâtiments patrimoniaux au profit de constructions improbables et anarchiques. C'est donc ça, la bruxellisation. Et oui, pour les rois du BTP à Bruxelles, tout roule. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour... C'était Plastique Bertrand, bruxellois et fou chantant. Voilà, fin du 68e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est comment Bruxelles, revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine en direct à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure totale foutraque et archi loufoque bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Elisabeth Collet et de Benoît Massir, merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora. Merci aussi à Anne Delalande, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter, après le flash vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve donc dimanche prochain en direct à 11h, mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien, ciao. Le roi, pour la majorité des Belges, c'est un président de la République que l'on n'a pas l'ennui de réélire. Une sorte de symbole qui aplanit les mésententes entre Wallons et Flamands.